Chapitre 12. Le vieux tramway. Le soleil levant dardait ses impitoyables rayons sur la végétation bizarre et rabougrie de cette terre stérile. Bob Eden fut debout de bon matin. Il commençait à en prendre l'habitude. Avant le déjeuner, il avait devant lui une heure de réflexion et les sujets ne lui manquaient pas. Un par un se déroulaient dans son esprit les événements survenus depuis son arrivée au ranch. Le sort d'Evelyn Madden le préoccupait particulièrement. Où se trouvait cette fière jeune fille? Après le déjeuner, Bob se leva de table et alluma une cigarette. Il se doutait bien que Madden attendait impatiemment qu'il parlât. « Monsieur Madden, dit-il, je dois me rendre ce matin à Barstow pour une affaire importante. Excusez mon indiscrétion, mais si Hakim pouvait m'emmener en auto jusqu'à la gare pour le train de 10h15... » Les yeux verts de Thorne lancèrent de curieux regards vers Eden, pendant que Madden répondait d'un petit air détaché. « Certainement, avec plaisir. Hakim, vous conduirez Monsieur Eden en ville dans une demi-heure, n'est-ce pas ?»« Toujours travail, » gémit Hakim. « Levez avec soleil, travail jusqu'à soleil couché. Vous besoin chauffeur taxi, pourquoi pas dis-le-moi. »« Que dites-vous ? » s'écria Madden. « Bien, bien, monsieur, moi l'y conduis-le. » Une fois l'auto sur la route, Shane jeta un regard interrogateur à Bob Eden, assis au fond de la voiture. « Vous m'intriguez au plus haut point. Que signifie ce voyage d'affaires à Barstow ?» Eden éclata de rire. « Ordre du grand chef, déclara-t-il. Je vais à la rencontre d'Aldrecott et du collier de perles. » La main libre de Shane tâta aussitôt le fardeau indigeste placé sur son estomac. « Madden a encore changé d'idée ? » demanda-t-il. « Comme vous pouvez le constater. » Eden raconta au détective le sujet de la visite que lui avait faite le millionnaire la veille au soir. « Qu'en pensez-vous ? » demanda Shane. « Cela nous donne un jour de plus, pour le bon vieux ou Mali Mali. Mais c'est une nouvelle énigme à déchiffrer. À propos, je ne vous ai pas dit pourquoi la doctoresse Whitcombe est venue nous voir hier soir. Inutile, j'ai tout entendu. Je flânais derrière la porte. Ah, ainsi vous savez que c'est peut-être Charlie Phil Médorf et non Thorne qui a tué Louis. Médorf ou peut-être l'étranger qui conduisait la voiture et qui l'appela sur la route. J'avoue que cet inconnu excite passablement ma curiosité. Les toits d'Eldorado apparaissaient à leurs yeux, étincelants sous le soleil matinal. Allons saluer Olley avant l'heure du train, car il faut tout de même que je parte. On pourrait m'espionner. Olley a peut-être des nouvelles. » Le journaliste travaillait à sa machine à écrire. « Vous êtes bien matinal. J'étais justement en train de rédiger l'article nécrologique de ce pauvre vieux Louis. Quoi de neuf au ranch du mystère ?» Bob Eden lui raconta la visite de la doctoresse, la dernière décision de Madden concernant les perles et son propre départ pour Barstow. « Consolez-vous, » dit Olley en souriant. « Les voyages forment la jeunesse. Que pensez-vous de Miss Evelyn ? Mais vous la connaissez déjà, ce me semble. » « Miss Evelyn, que dites-vous là ? Elle est arrivée hier soir. Personne ne l'a vue au ranch. Comment ? Elle a débarqué du train à 6h40. Vous en êtes certain ? Absolument. Je l'ai vue hier soir. J'étais au train. Thorne s'y trouvait également. Une grande et belle jeune fille en descendit et Thorne l'appela. « Miss Evelyn !»« Comment va papa ? » demanda-t-elle. « Montez, et je vous donnerai de ses nouvelles. » Il n'a pas pu venir vous chercher. » La jeune personne monta en voiture et ils partirent. Je pensais qu'elle embellirait votre séjour au ranch. « Étrange, » remarqua Eden. Thorne est revenu au ranch peu après 10h, seul. Charlie a découvert, grâce à sa perspicacité habituelle, que la voiture avait parcouru environ 39 km. De plus, des traces d'argile rouge demeuraient collées à l'accélérateur, provenant certainement des chaussures de Thorne. « Vous connaissez la région, monsieur Olley. Peut-être savez-vous où l'on trouve cette terre rouge. »« Il y en a dans plusieurs endroits. Oh, j'oubliais. Eden, il est arrivé une lettre pour vous. » Il tendit à Bob une enveloppe dont la souscription était tracée d'une main à l'ancienne mode. Elle émanait de Madame Jordan. La pauvre femme suppliait le fils du joaillier de conclure rapidement la vente des perles. Eden lut la lettre à haute voix. Madame Jordan ne pouvait comprendre le délai puisque Madden, l'acheteur, était là. Le retard de paiement lui causerait de graves ennuis. En terminant cette lettre, Eden regarda Shan d'un air de reproche, puis déchira la lettre en menus morceaux qu'il jeta dans la corbeille à papier. « Quant à moi, dit-il, je suis prêt à remettre le collier. Je trouve que nous agissons très mal envers cette chère vieille femme. Après tout, ce qui se passe au ranch ne nous regarde pas. Notre devoir... »« Excusez, intervint Shan. Moi aussi, j'ai le sens du devoir, et la loyauté fleurit toujours dans mon cœur. Eh bien, que devons-nous faire ? Observer et attendre. Nous ne faisons pas autre chose. J'y songeais encore ce matin. Un événement énigmatique en suit un autre, et rien ne se précise. Une telle situation ne peut se prolonger. Je commence à l'avoir par-dessus la tête. Patience ! Les Chinois, depuis des siècles, cultivent cette qualité admirable, avec l'amour du jardinier pour ses fleurs. Mais les Blancs font fi d'une si modeste vertu. Écoutez, Charlie, tout ce que nous avons découvert au ranch regarde seulement la police. Le capitaine Bliss, ce crétin aux pieds énormes. Qu'importe la longueur de ses pieds, remettons les perles à Madden, empochons le reçu, faisons venir le shérif et racontons-lui toute l'histoire, à lui de trouver les criminels. S'il est aussi malin que le capitaine Bliss, nul doute qu'il ne résolve tous ses problèmes, observa Shan d'un ton ironique. Je ne partage pas du tout votre avis. Je songe, en ce moment, aux intérêts de Madame Jordan. Shan lui donna une tape amicale sur l'épaule. Je n'en doute pas, jeune homme. Monsieur Holley, n'est-il pas vrai qu'il faut écouter les conseils des anciens ? Eden, Charlie Shan a raison. Le shérif est un brave homme, mais il ne serait à lui seul démêler tant de mystères. Attendez encore un peu. Attendre quoi ? Demain, Madame se rend à Pasadena, remarqua Shan. Sans doute, Thorne l'accompagnera-t-il. Nous tâcherons d'éloigner Gamble et nous poursuivrons nos recherches tranquillement. Jusqu'ici, nous avons agi en hâte, comme un homme qui court après le tramway. Demain, nous creuserons profondément. Creusez, si le cœur vous en dit. Pour moi, je n'y tiens nullement. J'avoue cependant que je serais curieux de connaître le fin mot de l'affaire. Charlie, vous êtes un vieil ami des Jordan et vous endosserez la responsabilité de ce retard. J'ai le dos large. Pour l'instant, le collier de perles des Philimores repose en sûreté sur mon estomac. Humblement, je vous conseille de faire ce voyage inutile jusqu'à Barstow. Sur le quai de la gare, Bob Eden aperçut Paula Wendell qui, selon toute apparence, prenait le même train que lui. Ravissante, dans un élégant costume de cheval, elle vint vers lui, les yeux pétillants de gaieté. « Bonjour, monsieur Eden. Où allez-vous ? » ?»« À Barstow, pour affaires. »« Est-ce important ?»« Bien sûr, je ne gaspille pas ma haute intelligence en bagatelle. » Un coquet petit train s'avança dans la gare et il prit place dans un des deux wagons. « Dommage que vous vous arrêtiez à Barstow. Je vais quelques stations plus loin. Je louerai un cheval pour faire une longue promenade dans le défilé de la solitude qui me semblait moins solitaire si vous m'aviez accompagné. » « À quelle gare descendez-vous ? Mais je croyais que... » »« Ces jours-ci, je ne fais que mentir. La nécessité de ma présence à Barstow est tout à fait discutable. Désormais, le défilé de la solitude devra changer de nom. » »« Voilà qui est gentil. Nous descendrons aux sept palmiers. Un vieux bonhomme qui doit me louer un cheval en trouvera bien un autre pour vous. Je ne suis pas précisément habillé pour faire de l'équitation. Espérons que le cheval ne s'en formalisera pas. » En effet, la pauvre bête, dépourvue d'élégance, n'y prêta aucune attention. Ils quittèrent le petit lotissement de sept palmiers et s'éloignèrent en plein désert. Avant mon arrivée dans ce pays, j'ignorais que le monde fût si vaste, déclara Bob. Vous commencez à aimer le désert ? Il me semble que oui. Je vous envie de le contempler d'un œil libre et désintéressé. Pour moi, je n'y vois que des paysages où évoluent des cow-boys et des caballeros d'Hollywood. Tragédie et exploits audacieux, fuites éperdues et enlèvements. De quels scénarios n'ont pas été témoins ces dunes de sable et ces défilés ? Cherchez-vous des sites cinématographiques aujourd'hui ? Comme toujours, soupira-t-elle. Je viens de recevoir un manuscrit dont le sujet est aussi nouveau que ces montagnes. Un rude cow-boy et l'élégante fille d'un milliardaire de New York. Vous connaissez l'histoire. Parfaitement. La jeune fille est dégoûtée de l'existence mondaine et des orgies de la haute société. On ne nous épargne aucun détail de la grande noce, mais cette partie de film ne me concerne point. Ma tâche commence au moment où l'héroïne vient à la recherche d'un homme, d'un vrai. Puis-je dire qu'elle le rencontre. Son cheval s'emballe et elle tombe dans un buisson. Un gardien de troupeau arrive au moment propice. En dépit de leurs différences sociales, l'amour fleurit entre eux dans l'immense solitude. Parfois, je me console à la pensée que ma profession tend à disparaître. Comment cela ? Voilà des années, le chercheur de sites était un personnage important. Actuellement, presque tout le pays a été exploré, et chaque studio possède de volumineux albums remplis de photographies. De plus en plus, on supprime notre emploi. Paula Wendell arrêta son cheval. « Un instant, s'il vous plaît. Je veux prendre quelques vues. Il me semble que je n'ai pas encore utilisé ce coin. Voici exactement ce que je cherche pour donner le frisson aux calicots et aux comptables de New York. Ce paysage leur plaira. Il n'y en a pas un qui ne désirera venir dans ce pays. » « Oui, dit Bob. Dès la première nuit, ils y mourraient d'ennui et réclameraient le chemin de fer souterrain et les journaux humoristiques du soir. Tu le sais bien. Heureusement, ils n'y viendront jamais. » Tout en chevauchant, la jeune fille énumérait à son compagnon les noms des différentes plantes du désert. « Voici un chola, annonça-t-elle, une variété de cactus. On en compte 17 000 espèces. »« Tenons-nous-en à celle-ci, dit Eden affolé. » Bientôt, ils quittèrent le désert brûlant pour passer dans l'air frais des montagnes. Leurs chevaux suivaient des pistes à peine visibles. Sur les pentes, croissaient des pruniers sauvages, et au fond de la gorge, sous des palmiers, un petit ruisseau chantait. La vie paraissait simple et délicieuse dans le défilé de la solitude, et Bob Eden se sentait soudain une étrange affinité avec cette jeune fille aux yeux pétillants d'esprit. Les villes surpeuplées n'existaient plus. Ils étaient seuls, dans un monde neuf et pur. Par un sentier rapide, ils descendirent le flanc de la montagne. Ils gagnèrent l'ombre des palmiers qui bordaient le minuscule cours d'eau, et là, ils mirent pied à terre pour savourer un lunch que Paula avait apporté dans son havresac. « J'aime ce paysage, » dit Bob. « D'ailleurs, peu importe l'endroit où l'on se trouve, quand on y est en charmante société. » Après avoir formulé cette remarque si originale, je m'empresse d'ajouter que je n'ai pas faim du tout. Vous imaginez sans doute que je n'ai pas apporté assez de provisions pour deux? Détrompez-vous. Les sandwichs de l'oasis sont destinés aux habitants des ranchs et je n'en puis avaler plus d'un. Il y en a quatre. Voyez comme je suis prévoyante. Nous partagerons aussi le lait. Non, c'est votre déjeuner. J'aurais dû songer à me procurer une collation aux sept palmiers. Tenez, ce sandwich est au rôti de bœuf. Goûtez-le et vous parlerez un peu moins. « Vraiment, je suis confus. » Mais il se laissa convaincre. « Vous n'avez rien mangé ? » dit-il enfin à Paula. « Bien plus que d'habitude. Je possède un appétit d'oiseau. » Wilbur n'aura qu'à s'en féliciter. Si bizarre que cela paraisse, j'éprouve une certaine jalousie envers ce Wilbur. À vrai dire, il m'exaspère. Allons, remettons-nous au travail. Durant le long après-midi, ils parcoururent les dunes de sable jaune, balayées par un vent chaud. Lorsqu'ils arrivèrent en vue du village des sept palmiers, le soleil descendait à l'horizon et émettait dans le ciel des teintes d'or et de rose. « Si seulement je découvrais un coin original pour la scène d'amour finale, » soupira la jeune fille. « Une scène d'amour finale ? » ?»« Oui, la scène d'amour entre le cow-boy et la pauvre petite millionnaire. Ils se sont tellement promenés la main dans la main au coucher du soleil. » Il me faut absolument quelque chose d'inédit. » Eden entendit un bruit métallique sous le sabot de son cheval. La monture trébucha et il la retint avec force. « Que diable est-ce donc ? » demanda-t-il. « Oh, c'est un des rails à demi enfouis de l'ancienne voie ferrée, le souvenir d'un rêve. Il y a des années qu'on a essayé de bâtir une ville là-bas, sous ces peupliers. » Une vingtaine de kilomètres de rails devaient joindre la grande ligne ferroviaire à cette métropole du désert, dont il ne reste plus qu'une maison en ruine. À cette époque, les foules se précipitaient vers ce lieu, et en un après-midi mémorable, on vendit 600 lots de terrain. Et le train ? Un fiasco. Une locomotive et deux vieilles voitures de tramway furent amenées de San Francisco et roulèrent juste une fois sur ces rails. Une des voitures a été démolie, et l'autre se trouve non loin d'ici. » Bientôt, ils gravirent une colline, et Bob poussa un cri. Devant eux, à demi enfouie dans le sable, on distinguait la vieille voiture du tram, inclinée sur le flanc. La poussière jaunissait ses fenêtres. Sur le devant, encore visible, on lisait l'inscription « Market Street ». Un sentiment de tristesse serra le cœur de Bob Eden devant cette victoire de la nature sur nos desseins orgueilleux. L'homme était venu pour conquérir le désert avec ses outils et ses machines, et de tout cela, il ne restait qu'une vieille roulotte, à la fois un avertissement et une menace. « Voici l'endroit choisi pour vos amoureux. Faites-les asseoir sur le marchepied du vieux tramway. » « Quelle bonne idée! Vous me donnez envie de vous engager comme figurant. » Ils s'avancèrent vers la voiture et descendirent de cheval. Puis, la jeune fille se disposa à prendre la vue. « Voulez-vous que je pose comme amoureux ?»« On ne m'en demande pas tant, » répondit-elle en riant. On entendit le déclic de l'appareil. Au même instant, les deux jeunes gens furent saisis d'étonnement. Un vieillard était sorti de la voiture. Un vieux, tout courbé, à la barbe noire de jais. Les yeux d'Eden interrogèrent ceux de Paula. « C'est le type que vous avez vu mercredi soir chez Madène ?» lui demanda-t-il tout bas. « Oui, le vieux mineur. » L'homme à la barbe noire les regardait, fort surpris, de la plateforme du tramway, au-dessous de l'inscription « Market Street ».